Ouais, pour tous les peuples qui ont souffert dans le passé, pour tous ceux qui se sont fait injurier. Reprends ton injure, ajoute de l'humour, fais-en une fierté. Kibla, j'aurai pas un bébé. 1, 1, v'là ton premier youpin. Oh la belle Jolapin qui plat pour les siens. J'en place une et j'continue mon chemin. J'balance tout sur la feuille de papier. Mon destin tracé dans la musique ou dans une rue des sentiers. J'ai opté pour la première solution. J'ai laissé la deuxième à la famille sans hésitation. 1 pour le son, 2 pour les pistes. Ton concept classe, annuler les jours de grand pardon. J'rigole encore quand tu deals pour ton cap golf. Moi j'joue au golf et même au foot avec mes Western Golf. Cadeau d'anniversaire, j'roule en roadster. Papa n'a pas d'holster, ouais mais dans le bis c'est un gangster. La vérité, si j'mens, j'vais en enfer. Chacun son ministère, le sien se situe rue du Caire, frère. Sarcelle, terre promise, ambiance de racaille. Moi j'm'y trouve à l'aise comme Moïse l'était sur le Mont Sinaï. Je m'excuse auprès des miens si nos paroles font rup. C'est pas la joie partout, faut frapper à grands coups pour se faire entendre. Le showbiz n'engage pas que des boys band. J'ai vu tout style confondu, les races confondues. Passe un Kleenex à Jean-Marie de ma part avant qu'il n'en reste plus. Dis-lui qui je suis, ce que je suis. Mon père est né là-bas, ma mère aussi. Et moi je suis né ici, au milieu des tourmentes et des lamentations. J'aimerais glisser un papier dans le mur pour de nouvelles saisons. Belles comme le pays d'Alice. Malgré les jours heureux, le passé nous laisse des cicatrices. J'préfère balancer le sujet, le beat dansant. Ça évitera les larmes qui ont déjà été versées par nos parents. Pour toutes les ethnies qui fleurissent la planète, ainsi que toutes les filles qui bougent leur corps sous les boules à facettes. J'excelle dans tout ce que je fais. Je reprends ton injure, ajoute l'humour et en fais une fierté. Dans la musique, c'est moi. Dans le cinéma, c'est moi. Le bout de tissu que tu portes sur toi, mais c'est encore moi. L'union sacrée, j'y crois. Unis sous un même toit. T'inquiète pas, y'a pas qu'aux autres qu'on a donné la foi. Moi j'ai choisi ma voix. Pour les miens, hausse la voix. Pour les tiens, j'en place une. Évite la guérilla. Ouais mec, c'est Kibla. J'ai une dernière question à te poser avant de quitter le micro. Ah, et tu me critiques avec tes sauces. Pourquoi dans ton placard t'as autant de vistos? Chaud lapin.